Le cinéma et André Bazin substituent à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs. Bonjour. C'est moi, Orson Welles. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Retrouvez toute la musique du cinéma avec Le Mato, jeudi soir à partir de 19h sur ma radio. Vision 01 47 20 0001. Et voilà. Yeah, hey, Mato. Ooh, on est content de t'avoir ce soir. Good morning Vietnam. Bien sûr, bonsoir. Bonsoir à toi. Bonsoir auditeur. Je prends ma voix suave ce soir. Prends ta voix suave. Tu le fais bien parce que elle te va très bien cette Mais voix suave. Je sais qu'elle me va bien. Tu sais, au téléphone, il faut que tu fasses cette voix suave. Bonjour, vous êtes bien sur le preneur de Le Mato. Voilà. Je vais laisser un message après le bip sonore. Oh, c'est right. Tellement sexy. Bon, moi j'ai envie de dire ce soir, c'est un peu Eyes of the Tigers, parce que c'est le round 3. Les yeux du tigre. Les yeux du tigre, c'est le troisième round. Ouais. T'écoutes quoi au cinéma? Ouais. Et est-ce que, est-ce que je peux juste dire une phrase? Oh, vas-y, allez. Parle bien dans le micro, s'il te plaît. Ah, j'adore cette phrase. Tu peux le redire, s'il te plaît? Parle bien dans le micro, s'il te plaît. C'est le titre d'une émission à venir. Hein. Donc là, je vous emmène un petit peu au Maroc pendant la Seconde Guerre mondiale. Comptoir. Je vous emmène avec Ingrid Bergman. I'm a little rusty on it. I'll hum it for you. Sing it, Sam. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. On claque des doigts sur cette chanson, s'il vous plaît. Voilà. All right. À Martini. Come on, man. Yeah, man. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. Imaginez un petit bouge dans Casablanca avec Ingrid Bergman qui repense à son amoureux Humphrey Bogart et qui, à l'écoute de cette chanson, vibre. Ah oh oui, j'imagine. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story. A fight for love and glory. A case of do or die. The world will always. Donc c'est ta musique d'introduction à ton émission. J'ai envie de dire que j'avais envie de vous emmener un petit peu loin ce soir. Tu avais envie de nous faire voyager, non seulement à travers le cinéma, mais à travers la musique et à travers les pays. Fermez les yeux, éteignez les lumières. Votre cœur s'ouvre et il bat à 24 images. Secondes. Voilà. Pardon, non, je t'en prie. J'avais préparé une petite transition sympa, mais vas-y, je te donc, non, écoutez, mettez le son à fond, c'est tout ce que j'essaye de vous dire, mettez le son à fond, et on va écouter que du bon ce soir, avec Le Mato, bien sûr, avec sa sélection de dingue, qui nous a préparé des perles, hein, des sortes de gâteaux, des sortes J'ai de même sucreries. Envie de dire des perles. Diamonds and pearls. Diamonds and pearls. On va écouter Prince, hein, dans l'émission. Ah, très bien. C'est pour ça que je fais un petit peu... Transition. Yes, man. Voilà. De Casablanca à New York, il n'y a qu'un pas. Ouais, enfin plusieurs quand même. Du jazz au hip-hop, il n'y a qu'un pas. Deux, trois. De Reza à ce chanteur, il n'y a qu'un pas. Plusieurs aussi. Et je sais pas, 10 secondes, 15 secondes, nous alors attends, de parce que juste pour info, Casablanca, c'est de qui? Parce que moi, je suis ignare aussi. Michael Curtis, 42. Et Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, c'est une chanson culte qui est au milieu du film, qui est censée caractériser le sentiment des héros. D'accord. Vous avez promis d'aller à New York, on y va tout de suite avec le Reza. D'accord. Ghost Dog. Bien sûr. Can I hear it? Nigga, and bang your head, punk. And it don't stop. It all starts with the pad and pen. Shall we begin to burn bush in this rap session? Once again on the run, be the Black Stallion. Now you fucking with the galleon. Iron lung, boy, me can't done. Army of one, blaze your bun. I'ma get you none except challenge. Ha, run a mile with a racist. They iced it, I aced it, placed it right up in their face till they faced it. Hard to the dome like a chrome microphone. I'm bad to the bone, danger zone. That's my life and my song. Keep it moving. Hop along, little dog is. Oh, fuck them! Driving Mac Cadillac, dark shaded window, all sunny black. Big antenna back of the car, side is our TV, even the bar. Bulletproof down, safe and sound. Topper in the front just to drive the Lexus all around. Give your body a ride, nice and warm aside. Come to the dirt dog, it's a cummy ride. 36 chamber, alright? Nah. Diamonds Are Forever, Shirley Bassey, Remix album. Tout de ouais. suite, là, on part. James Bond, les agents secrets, on a quitté New York, on est parti un peu partout sur la planète, la guerre froide, tout ça. Surtout Hollywood. Hollywood, baby. Diamonds Are Forever. Shirley Bassey. They are all I need to please me. They can stimulate to tease me. Bassey, hein, pour du nom de Shirley Bassey, hein, pas de la race du chien. Non, bien sûr. Ça, c'est tiré d'une compile qui a été initiée par les Propeller Heads. Tu te souviens des Propeller Heads? Ah bah oui, je m'en souviens, c'est très bien. C'est du anglais, là. Ouais, où ils avaient envoyé... C'était à l'époque très... Il y avait une mode de Big Beat, ça s'appelait le Big Beat. Absolument. C'est initié par les Chemical Brothers. Voilà, ouais. C'est cette mode du Big Beat qui ont été suivis par les Propeller Heads, par les Chemical, par plein de monde comme ça. Et moi, j'étais à fond dans ce truc-là, mais j'ai senti le vent tourner à un moment donné où on s'est dit c'est super, mais en même temps, ça se danse pas énormément et c'est assez pompier comme style, je trouve. Un peu pompier. C'est un peu pompier. J'aime beaucoup le mot pompier. Je vais le dire plusieurs fois. On va dire pompier, hein, on va dire fireman. Hein. Fireman. Mais est-ce que tu trouves pas qu'un peu le John Barry qui fait les BO de James Bond, yeah, Brown, et Shirley Bassey c'est Bond. James Bond, yes, et Shirley Bassey c'est pas un peu pompier aussi ça, et je trouve que c'est du coup mais c'était moi, pas mal que des mecs comme ça. Moi de toute façon ce qui est évident c'est que toutes les musiques des James Bond me rendent glauque. Je sais pas pourquoi il y a une forme de tristesse dans ces chansons là, un truc très triste, un truc, et ça me même quand elles sont un peu envolées comme ça, des trucs un peu grandiloquents. Je sais pas, moi je vois les génériques un peu à la soul bass avec les cordes de femmes. On est d'accord, moi aussi je vois ça, mais ça me rend glauque. Alors je sais pas pourquoi. Je vais me faire analyser. Moi j'entends ça, j'ai envie de faire l'amour, c'est tout. Ouais, fais l'amour. Ça y est, je suis glauque. Bah t'as tort. De ta torte. Hein. Ah, bah, de la série ta torte. Hein. Ah, mais là c'est que cinéma, donc on fait pas série. Hein. Ah, d'accord, c'est con parce que j'avais très envie d'écouter une chanson de Magnum ou un truc comme ça. Pas du tout. Moi la télé c'est 25 images secondes, ça ne m'intéresse pas. Bien sûr. Moi c'est que le cinéma. Voilà. Donc est-ce qu'on part dans un film là, voilà, français? Bah alors oui, d'accord. Vous allez le reconnaître, Mélanie Laurent, Romain Duris, Audiard à la réalisation. Ah bien sûr. Je peux vous parler s'il vous plaît? Attends, il y a un mec qui... Allez, mademoiselle, il faut que je vous parle. Ok. Je t'embrasse. On se voit demain. Gros bisous. Quoi? Niskov me doit de l'argent. Et alors, qu'est-ce que ça peut me foutre? Les deux grands singes qui sont avec lui, ils sont toujours avec lui? Je vous connais pas, j'ai pas envie de vous parler. Mais, oh, je vous pose une question, vous pouvez me... Tu me touches pas. Ok? Je veux juste un rendez-vous avec Minskov. Tu sais quoi, tu commences à me saouler. Minskov, j'en ai rien à foutre. D'ailleurs, tu vas rire. Il suffit que je l'appelle. Et t'es mort. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que tu restes avec lui, c'est pour pouvoir dire des trucs comme « Je l'appelle, t'es mort ouais. ». C'est ça, ça te fait kiffer de dire des trucs comme ça. Mm-hmm. Ouais, je comprends, mais... Mais c'est pas plutôt le contraire, non? T'as les boules, t'es morte de trouille, t'es terrorisée. Mm. Regarde, tu trembles, t'as la chair de poule. Ouais, c'est fou. T'oses même plus respirer sans lui demander la permission. Hein? T'as fini? Allez, tu vas te faire foutre. Ça, on appelle ça se faire prendre une claque. Tout simplement. La veste de Mélanie. Mais en revanche, il reste droit quand même. Hein. Droit dans ses bottes, le petit Romain. Droit dans ses bottes et dans sa chemise. Bien sûr. On repart à New York, Jojo. Ouais, ok, d'accord. Moi, je voyage avec toi ce soir. Gangstar, DJ Premier. Ah, oui. Spike Lee. Spike Lee Joints. Mo Better Blues. Mo Better Blues. Hein. Jad Thing. That spécialement thing. Composé. Spike Lee Joint. Par Gangstar, Guru et DJ Premier. Bien sûr. On écoute tout de suite. Should I say the mother, bringing us back again, from the drumming on the Congo, it came with a strong flow, and continued to grow, feet moved to the beat of the tabalo, now gave the story and follow, for then it landed on American soil, through the sweat, the blood, and the toil, it praised the Lord, shouted on chain games, pain they felt, but it helped them to maintain, Scott Joplin's rags, Bessie Smith blues, St. Louis blues, they were all the news, ringing smooth. And all the listeners' ears, fulfilling the needs and planting the seeds of a jazz band. King Oliver's group was a train coming through to Chicago, bringing a New Orleans groove. And when Satchmo blew, the audience knew. Basin Street Blues was the whole house tune, it was music. Great to dance to, great to romance to, with a lot to say to you. Moi, quand j'entends ça, je sens l'émergence, tu vois, de la culture afro-américaine dans le show business. Bah, tu sens ça, toi. Bah ouais, chant gangstar, le rap qui commence dans les années 80 à exploser à New York. Ah ouais. À s'émanciper, un mec comme Spike Lee, pas le premier réalisateur black, mais presque. Ouais. Enfin bref, je sens tout un renouveau au détour des années 80 qui fait chaud au cœur. Et le fait qu'il utilise du jazz et qu'il fasse un hommage au jazz avec le rap, c'est pour ça que je disais au tout début qu'il n'y avait qu'un pas entre les deux. Mm-hmm. Je trouve un juste retour des choses et l'émancipation des Afro-Américains au détour des années 80 aux États-Unis, ça fait du bien. Ouais, putain. Je suis sérieux là. Mais bon, voilà. Cette phrase a été longue. Cette phrase a été longue. Tout à fait. Cymbal socking, bass drum talking, snare drum rocking, restructuring the metaphysics of a jazz thing. That's who we'd like you to feel, that you've just walked in. You've been seated at the table and now you're ready to listen to John Coltrane, a man supreme, he was the cream. He was the wise one, the impression of Afro blue and of the promise that was not kept. He was a giant step. And there was Ornette Coleman, he was another soul man. The original invisible, playing great music. I wonder why the bankers couldn't use it. Now listen, see, the real mystery is how music history created Paul Whiteman or any other white man and pretended he originated and contended that he innovated a jazz thing. Of course, the three has no hope to really blow. Moi, ce que j'aime bien ici à ma radio, c'est qu'on est comme à la maison. Là, il y a juste Guillaume, ton frère. Ouais, qui vient d'arriver. C'est lui qui fait les émissions tous les lundis. Tous les lundis soir. Tout simplement, sampler. Voilà, il est là ce soir. Il vient nous apporter un peu de vin. C'est cool. Et sachez, nombreux auditeurs, que vous pouvez faire la même chose. Hein, 44 Venez. Rue Blanche dans le 9e arrondissement. Voilà. Vous pouvez venir et apporter à boire. On donne pas le code. Non, mais vous passez un coup de fil. Ceux qui viennent, c'est ceux qu'on connaît. Les autres, on n'en veut pas. Et puis, non, mais en plus, le fait que Guillaume arrive sur Gangstar, ouais. Quelque part, c'est un juste retour des choses. Bien sûr. Dis-moi, j'ai envie de te dire, est-ce que, dis-moi, toi qui fais cette émission, tu n'es pas hypocrite. Je t'écoute. Tu n'es pas hypocrite. Tu écoutes de la musique ouais. Sur ton iPod. Absolument. Tu écoutes de la musique de cinéma. Enfin, de ce genre de musique-là. Ouais, complètement. Et ça te transporte comme ça. C'est-à-dire que non seulement tu écoutes de la musique, mais en plus... Ça génère de l'imaginaire en toi, c'est-à-dire que tu revis peut-être un film, c'est-à-dire que t'écoutes du ce qu'on écoutait tout à l'heure là de Ghost Dog, ça y est, tu te prends, tu as l'impression dans un film de Jim Jarmusch tout de suite, ou c'est ça? Ouais, un peu. En fait, ça dépend. Il y a, enfin, à chaque titre, à chaque chanson, son émotion et tout ça, sa sensibilité. Mais bizarrement, en fait, c'est plus sur les chansons additionnelles qui sont utilisées dans des films. Mmh. Tu vois, des chansons qui ont été composées en dehors du film, qui après vont être réutilisées, qui me font le plus d'effet, me rappellent le plus d'images. D'accord. Que des musiques, que des thèmes composés, tu vois. Genre, quand j'écoute Bernard Herrmann, par exemple, je pense pas tout de suite à Hitchcock. Et non pas à Bernard Arnault, hein, attention. Hein, bien pas sûr, hein, tout à fait. Bernard Herrmann n'est pas le... Ah, c'est une petite intervention de notre ami Guillaume qui est parmi nous, hein, ce soir. Si je te dis le non-film... Le non-film. Si je te dis Steak. Ah oui, le non-film. Le non-film. On parle du non-film Eric et Ramzy, hein. Non, alors ça c'était Steak, mais le réalisateur c'est Quentin Dupieux. Ah, Quentin Dupieux, oui. Mister Oiseau. Bien sûr, ouais, ouais. Et il a fait un film cette année que moi j'ai pas vu, Steak. Apparemment c'était pas mal, c'était un peu déjanté, bizarre et tout ça. Je sais pas où t'as lu ça, parce que moi j'ai lu que dans des les cahiers du cinéma. Hein. Ah, ouais, d'accord. Dans les cahiers du cinéma. Bien sûr. Et il a fait un morceau qui s'appelle Last Night a DJ Kill My Dog, que je trouve absolument sublime. Et pour ce film? Pas pour ce film, il l'a utilisé dans son film, mais voilà, il a composé ça dans son premier album. C'est ce qu'on écoute là en fond. Ouais. D'accord. Bon, on va augmenter le volume, on va faire la saga. Parce que c'est vraiment super, mettez à fond là. Je sais, t'es une pute en fait, Thomas. T'essayes de faire venir du jeune habillé en fluo, c'est ça? Absolument. Ouais, c'est ça, c'est en fait ça. Et là-dessus, ça se danse comment? Ça se danse en tectonique? Voilà. Ça, Jojo, toi, ou pas? Ouais, moi, ça me plaît, je trouve. Bah, c'est super épuré et tout. C'est très épuré. Il n'y a qu'une petite ligne de basse, une rythmique pas lourde. Voilà, non, je trouve ça intéressant. Après, on va écouter un dieu. T'as envie d'écouter un dieu qui nous a quitté il y a... Johnny Cash? No. Kind of, you know. Kind of. It's an American, but it's a black one. Black man, Ray Charles? No, it's a god too, right? Curtis Mayfield. Curtis Mayfield. Ouais, qui a composé beaucoup pour le cinéma. Attention, il y a une petite intervention de Guillaume qui veut dire The Greatest. The Greatest. Rien de méchant. Rassurez-vous, tout simplement, sampler tous les lundis. Hein. Voilà, on est comme sur RTL, hein, on a un public ce soir. Hein, absolument. Voilà. Hein, Guillaume, normalement, tu dois applaudir et faire wow! Bien sûr. Voilà. C'est les grosses têtes. Hein. Madame Monjou du Monjou nous envoie cette question. Quel est donc. Voilà. Quelle relève, qu'elle soulève sa jupe. J'arrive pas du tout à imiter. Hein. Je suis très mauvais imitateur. Last night, a DJ killed my dog. C'était donc Quentin Dupieux. Quentin Dupieux. Alias Mister Oiseau, qui a réalisé donc deux films, le non-film et Steak cette année. Et ça, Eric, c'était le non-film. C'est pour le non-film. Pour le non-film. D'accord. Voilà. Et tous les clips de Laurent Garnier. C'est lui qui l'a mis à la moto, puisqu'au départ, Oiseau était signé chez FCOM. Voilà, ah d'accord, c'est ce qu'on t'es en train de dire. T'es en train de dire que Oiseau est devenu homosexuel ou... Homosexuel. Et alors, on va rester... Voilà, je vais faire une petite transition, donc on va écouter... Transition télévisuelle, hein, mais on est à la radio. Mm-hmm. On va s'écouter donc un morceau magnifique, signé Curtis Mayfield. D'accord. qui ouvre un album magnifique. Enfin bon, bref, c'est un tout super morceau. D'accord. Voilà, ça monte, ça descend, c'est plein d'ambiance et tout ça. Et ça a été utilisé par les Daft Punk dans leur film. D'accord. Qui s'appelle Electroma, qu'on avait découvert à Cannes il y a 2 ans, qui était plus un plus sorte... qu'un film, une espèce de projet arty pour gosses de riches, excuse-moi. Donc on écoute tout de suite Curtis Magnifique Billy Mayfield. Jack. Et là, j'ai pas envie de parler dessus parce que juste mettez le son à fond, fermez les yeux, faites ce que vous voulez. Enfin voilà. Écoutez, touchez-vous. Laissez-vous porter. Touchez-vous. Caresse tes seins. Caresse tes cuisses. Écoute, on rigole ici, on parle de cinéma, de bande-annonce, le film en film, de Daphné Roulier, de tout ça, on n'arrête pas de... Voilà, et on vient d'apprendre que cette chanson est sur le film Le Deuxième Souffle aussi. Hein. Absolument, hein, la voilà. Scène où Gu, hein, puisque le personnage principal s'appelle Gu, ouais. Se fait sodomiser par Monica Bellucci avec un gant ceinture. Non, Napoléon d'Abel Gance. Absolument, dès 33, Curtis Mayfield compose cette chanson. Non, là, il faut imaginer plus sérieusement dans le désert américain, deux robots tout de cuir vêtus. De cuir noir. Et non pas de cuir. De cuir. Hein, de cuir. Joachim, je peux te poser une question ? Je t'aime. Est-ce que tu es cuir ? Je suis cuir totalement. Cuir. Est-ce que tu es cuir ? Je suis... Gui, hein. Parce que moi je suis Sky. Et toi, est-ce que tu es queer? Depuis que tu en parles, je suis un peu queer. Hein. Laisse-moi monter Curtis Mayfield, fais pas chier. I'm boss jack. But down home he was a elegant. I didn't care nothing about being black. J'annonce. Ouais. J'annonce, et non pas j'accuse, mais j'annonce que nous retrouverons Curtis Mayfield. Curtis Magnifique Mayfield. Lundi soir, lors de l'émission Tout Simplement Sample, animée par Guillaume. Guillaume, professeur Guillaume, qui viendra nous délecter d'un titre de Curtis Mayfield lundi soir. Donc, hein. Celui que dans le métier on appelle le trépied, non ? Le trépied, oui, oui, oui, le trépied. Depuis sa tendre enfance, on l'appelle le trépied. Référence voilà. À son chibre. Énorme chibre. Bonsoir à Maman Borez qui nous écoute ce soir. Non, elle est au Théâtre de la Ville ce soir. D'accord, donc on peut se permettre. On peut se lâcher ce soir au Théâtre de la Ville. Donc c'était donc la musique qui était dans Ottoman. Comment tu appelles ça ? Non, pardon. Non. Electroma. Electroma, oui, pardon. Et là, Schwarzenegger. Ok, Schwarzenegger. Running Man. Schwarzy. Running non, Man. Non, pas Running Man. Merde, parce que celui-là, je l'ai, hein, je l'adore. Des lunettes ah, noires. Ouais. Bien sûr, les Guns. Ouais, Terminator 2, bien le sûr. Le Man, réalisé par Michael Mann. James Cameron. T'as raison. T'as toujours raison. Et moi, j'adorais, tu sais, quand vers la fin, là, il a caché le flingue dans une espèce de boîte où il y a des roses. Bien sûr. Guns and Roses. All right, malheureusement, l'émission n'est pas vidéo parce que on voit à l'instant même Guillaume qui fait une imitation d'Axel Rosin. Alors que beaucoup d'appels, notamment la maman du bassiste de Guns N' Roses qui demande « Mais que devient-il ?» Si quelqu'un a des nouvelles du bassiste de Guns N' Roses, qui n'hésite pas à envoyer un mail, rappelle-nous l'adresse. Sélection musique en un seul mot avec un C à la fin, @orange.fr. C'est Edouard Montout à gagner. Eh oui, Edouard Montout est toujours dans les bons coups. Attends, je vais baisser un peu. Ouais, avec Guillaume, on était fan, inconditionnel. Fan. Ouais. Ok, ça c'est sûr. Mais là, je vois, tu as un tatouage de Guns N' Roses. Hein. Bien sûr, un tatouage. La tête de Slash sur ton épaule. Excuse-moi, Elodie, je t'avais pas dit que j'avais un tatouage sur la fesse gauche de Guns N' Roses. Voilà, des Guns et des Roses. Des Guns and the Roses. Yes. Et nous étions au château de Vincennes, oui. Au parc de Vincennes, pour le concert. Et est-ce que tu crois que nos nombreux auditeurs n'ont quelque chose à foutre de cette information ? Absolument pas. D'accord, alors on voit Axl Rose. D'accord. Et si on en avait un peu marre de ces solos un peu chiants de Slash, ouais, et que d'un coup d'un seul, je fais un petit clic, ça coupe brutalement, et Steven Seagal chante. Ah, bah écoute, t'en penses quoi toi ? Non, moi je serais ravi, mais attends, juste avant de faire ce petit clic, ouais, est-ce que le hard rock ce soir vient d'être réhabilité grâce à toi ? You could be mine, man. You could be mine. On envoie Steven Seagal direct. Somewhere in between, c'est ringue, n'ayez pas peur, vous êtes sur ma radio. Sur ma radio, Steven, ma radio. Magic, Seagal. Alors. Juste pour information, tout le monde croit que c'est Steven Seagal. C'est Steve N. Seagal. C'est Steve, hein, son prénom. D'accord. Steve N. Seagal. Et tu sais d'où vient son nom ? Non. C'est, sa mère était une fan des Fables de La Fontaine, ouais. La cigale et la forme. Elle a appelé Steven Seagal. Ce qui est bien, c'est que sur ce genre de musique, on peut complètement couper, on peut c'est parler moche, dessus. Hein. Moi, je trouve ça moche. Hein. Ah bah oui, ouais. Guillaume dit que c'est moche et il a tout à fait raison de le dire. Attention, excusez-moi. 3, 2, 1, vous fermez les yeux, auditeurs, auditrices compris, vous tous là, qui êtes là. Ouais, ouais. Vous fermez les yeux, est-ce que vous voyez le catogan de Steven Seagal ? Attends deux secondes, je remets un peu le son. Attends. Non, désolé, je vois sa graisse. Bah, moi, je vois le catogan. Non, moi, je vois sa graisse. Pas chier. Désolé. Coup de pied retourné derrière, hop là, coup de pied décalé, hop. Ah bah oui, bah on nous entendait. On nous entendait. Hein. On va arrêter, hein. On va arrêter cette mascarade, hein. Oh bah moi je te trouve gonflé quand même, tu balances un son, tu vas pas jusqu'au bout de ta pensée. Je te prends les petites galettes avec une petite chanson de Don Johnson, pas piqué des hannetons tout à l'heure. Très bien, on parle de Don Magic Johnson. C'est cadeau, c'est Bibi qui régale, tout de suite, sans transition. Sans transition, aucune. Aucune. Non. Mick Jagger et The Rolling Stone. Ouais. Play with Fire, jouer avec le feu. Dans quel film ? Je te rappelle que t'as une émission qu'il faut tenir. The Darjeeling Limited, le prochain film de Wes Anderson. Ah. Une scène vers la fin magnifique où ils ferment justement tous les yeux et ils s'imaginent leur enfance, enfin ils revoient leur enfance. Thomas, excuse-moi, tu es un auditeur fidèle de tes émissions. C'est le 3 ou 4e morceau de cette BO. Tu as des parts au film ou... À chaque fois qu'une chanson issue de la BO passe, je touche. An heiress owns a block in St. John's Wood, and your father be there with her if he only could. But don't play with me, 'cause you're playing with fire. Her diamonds and tiaras by the score. Now she gets her kicks in Stepney, not in Knightsbridge anymore. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. Now you. Est-ce que t'as envie de voir Daniel Day-Lewis courir? Non, je viens de voir un truc hyper choquant là. Mon frère qui me fait un bisou? Bah, disons que vous êtes deux jumeaux, vous embrassez, il y a un truc bizarre. On appelle ça l'inceste. Vous êtes deux jumeaux, non? Vous êtes des jumeaux, pas deux jumeaux? Non, on dit deux jumeaux. Hein, c'est on dit deux jumeaux. Ouais, absolument. Ah c'est bizarre. C'est comme ça. C'est la langue française. Est-ce que tu as envie de voir? Est-ce que nos auditeurs, nos auditrices, tu crois, ont envie de se représenter Daniel Day-Lewis en train de courir dans les rues de Dublin? De Dublin. M'en fous. M'en branle. Bon, bah, moi, m'en branle. Voilà, moi je te fous. Voodoo Social Return, le début de Au nom du Père, un film très bien de Jim Sheridan. Il court dans les rues de Dublin. Il se fait de Dublin. Pourquoi je dis Dublin? Dublin. Dublin sur scène. Hein. Pas Dublin en Irlande. Et Jimmy. Et ce titre, vous l'écoutez aussi assez souvent sur ma radio. Parce que Jimmy is back on my radio. Il faut monter le son, hein, les enfants, il faut monter le son! Rappelle aux auditeurs et auditrices que des pins Édouard Montout sont à gagner, des pins parlants. Hein, oui, Édouard Montout qui est le fils caché de Jimi Hendrix. Pour savoir si quelqu'un peut nous dire où est passé le bassiste des Guns N' Roses. Au nom du Père, un film de Jim Sheridan, un film irlandais interprété par un acteur irlandais, Daniel Day-Lewis. Au tout début du film, là, il se fait courser, voilà. Et donc, on écoute le Voodoo Child Sly Return de Jimi Hendrix. Et voilà, c'est pour ça que je vous le mets ce soir. Hein. Et bien sûr, j'ai du mal à parler vas-y, ce soir. Vas-y, non, mais ça va. Ça me fait penser que le fan numéro 1 de Jimi Hendrix, le numéro 1 de Jimi Hendrix, c'est Yogi qui vient passer tout à l'heure à 20h30 sa playlist. Super. Donc, moi, je ne savais pas. Bah écoute, voilà, Yogi. C'est un peu une dédicace Yogi, à Yogi, hein. Mais voilà, donc. C'est tout ce que j'avais envie de dire. Après, on va juste un peu calmer le jeu. On va partir un petit peu dans les petits cabarets, tu vois, du côté de Berlin, un truc comme ça. Mais tout ça dans les années, tu vois, 30, un truc comme ça. D'accord, Fassbinder. pas Fassbinder, Marlène Dietrich. D'accord. La grande Marlène Dietrich qui reprend. 30, ouais, c'était un peu... ouais, il était un peu jeune. Ouais, ouais, ouais. Fassbinder n'était pas né. Hein. C'est ça. Marlène Dietrich qui chante La vie en rose. Donc ça me permet aussi de parler du film d'Olivier Dahan. Ah, oui. Tu vas rigoler parce que tu n'aimes pas sans l'avoir vu. Et pourtant, c'est pas un film inintéressant. T'es pas d'accord avec ça, hein. La fièvre qui émane de Marion Cotillard. Non, non, mais, non mais moi c'est pas, non, c'est pas que je l'ai, c'est pas, je l'aime pas à la base parce que j'aime pas Edith Piaf. Point. Voilà, c'est pas, on va pas, on va là, pas. Là, tu le dis comme ça, voilà. Ouais, tu, je le balance sur les ondes. Hein. Je n'aime pas Edith. Moi, quand j'écoute Edith Piaf, j'ai l'impression d'entendre la botte de la, les bottes de la Gestapo qui vont débarquer chez moi. Ah, bah, voilà, ça, bah, moi, j'aime pas du tout cet esprit-là. Marlène Dietrich, moi, c'est pas ça. Rose, et crois-moi que Marlène Dietrich n'avait rien à voir avec la Gestapo. Les raccourcis teutons facho m'exaspèrent. Dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur. Une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Oh. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Marlène Dietrich, hein, magnifique. Hein, très beau, c'est très beau. Beau. C'est quel film ? Dans quel c'est film ? C'est pas un film. C'est pas un film. Non, c'est juste Ma vie en rose, voilà, parce que Marlène Dietrich chantait. Hein, tu vois, on parle toujours de ces actrices françaises aujourd'hui qui chantent. Voilà, bien sûr. Faire la comédienne. Ouais. Bah voilà, bah c'est depuis que le cinéma est le cinéma. C'est un peu notre Sandrine Kimberlin à nous. Bah, j'ai envie de dire ça. Oui. Et si et ce sont les Ebanco, et si notre Sandrine Kimberlin, c'était la, c'était la nouvelle Marlène Dietrich. Bah, absolument. Ah, et si Édouard Montout était notre Will Smith. Alors qu'on vient de recevoir un mail, hein, on a retrouvé le bassiste à Melun, le bassiste de Guns N' Roses. Hein, qui habite Melun maintenant, qui habite Melun, voilà, une maison Phoenix. Qui est prof de basse à Melun. voilà. Après, c'est une spéciale dédicace à Jojo, à toi. À moi. Un film que tu aimes, que tu adores. D'accord. Sidney Lumet. Ah oui. Le titre original, c'est Running on Empty. Oh oui, j'adore, bien sûr. Et tu aimes ça à bout de course. J'adore, à bout de course. River magnifique, Phoenix. Magnifique. Un film qui m'a, en fait, que j'ai acheté, pour la petite histoire. J'ai acheté ce film parce que, voilà, j'achète souvent des DVD. Je ne télécharge pas uniquement. J'achète beaucoup de DVD. Et un jour, j'achète ce film-là, donc de Sidney Lumet, parce que je suis un fan de Sidney Lumet. Donc j'achète ce film sans savoir ce que j'ai acheté. J'ai au téléphone Thierry Cliffa qui a fait son émission hier soir et qui me dit c'est le film le plus beau qui existe, c'est mon film préféré, tu vas adorer. Donc j'ai vu ce film, j'ai adoré ce film et voilà, et je te remercie Thierry d'être dans cette... voilà, d'avoir aimé ce film-là. Hein, tout simplement. Et ils écoutent une chanson de James Taylor, Fire and Rain. Dans la voiture ? Dans la voiture à la fin, bien sûr, c'est générique de fin, mais c'est aussi, ils l'ont déjà écouté dans la maison ensemble, Fire and Rain. Moi, je pense à River Phoenix avec sa famille et tout ça, je pense au film, et vraiment, ça me fait des petits frissons. C'est pour toi, Jojo. Alors, on écoute, c'est gentil. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand. You just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. I won't make it any other way. Oh, I've seen fire. days that I thought would never end. I seen lonely times when I could not find a friend, but I always thought that I'd see you again. Been working my mind to an easy time, my back turned towards the sun. Lord knows when the cold wind blows, it'll turn your head around. Well, there's hours of time on the telephone line to talk about things to come. Sweet dreams and flying machines in pieces on the ground. Oh, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days. Magnifique, sublime. Tu sais que ça m'hérisse les poils de ta moustache. De la moustache, ce morceau qui est tiré bien sûr de À bout de course de Sidney Lumet. Ouais, j'adore vraiment. Si vous avez l'occasion de voir ce film, voyez ce film parce que ce film est tout simplement magnifique. C'est peut-être bon, allez, avec l'autre film de Joaquin Phoenix là, comment il River Phoenix, l'autre My film. Own Private Idaho. Voilà, c'est peut-être ces deux films, les deux grands films de sa carrière. Là, en l'occurrence, il est très jeune. C'est vraiment l'insouciance juvénile, ce côté vraiment ado. Il est sublissime dans ce film-là. Et bien sûr, les autres comédiens dont je me souviens plus le nom malheureusement, mais que tu peux peut-être non, tu te souviens pas non plus. Moi, bon, ils sont vraiment tous très bien. Son petit frère, le petit frère dans le film est vraiment incroyable. Super. Voilà, donc voyez ce film À bout de course, et non pas À bout de souffle, hein, mais À bout de course de Sidney Lumet. Il faut le voir absolument. Running on Empty en VO. Et là, tout de suite, on part toujours à la même époque, années 80, Warriors, Barry Laborson. Et tous les amateurs de rap. Michel Vedette nous a mis un bout de Warriors. Ouais, bah là, voilà, hein, c'est l'émission du cinéma, voilà. C'est propice. Walter Hill. Ouais. Super Toto, merci Toto. Warriors. La partie va commencer. Warriors. La partie commence. Warriors. La partie va commencer. Warriors, la partie commence. Ça, c'était le score des Guerriers de la Nuit. Ouais, le thème From the Warriors, le film de Walter Hill. Dans les années 80, moi, je me souviens, j'avais vu ça, on l'avait découvert avec Guillaume en VF, bien sûr, sur la 5. La sur la Berlusconi. 5, exactement. Ouais. Berlusconi, on te chérit. Ouais, Berlusconi, on te chérit, rien que pour ça. Rien que pour la 5, surtout. Mais sinon, te conchis, hein. Et j'ai envie de dire, thank you, la 5. Thank you, la 5. Un petit big up à Bourré. Moi, c'est quoi le prénom? Jean-Claude Bourré. Jean-Claude Bourré, bien sûr. Moi, l'époque de la 5, pour moi, c'était V. Hein, attention, V. C'était pas les visiteurs, c'était V, tout simplement, les V. Petit big up. Petit big up pour Jean-Claude Bourré. Pour Jean-Claude Bourré, ses ovnis. Bien sûr. Lui, il les a vus. Et grâce à lui, nous les avons vus aussi un peu. Qu'est-ce qu'il y a dans les yeux de Bette Davis? Tu sais, toi? Ah, oui. Bah, Kim Carnes, celle, en moi, en tout cas, elle sait. Ouais. Ah, putain. C'est beau, ça, non? Ah, bah, j'adore. Et quel film? Pas film, c'est Bette Davis, une magnifique actrice. Il y a un film ou pas? Je pense que ouais, ça a dû être utilisé. Peut-être. En tout cas, Bette Davis, magnifique. Petite anecdote, hein, donc là, All About Eve, qui est le rôle majeur peut-être de Bette Davis, des années 50 de Mankiewicz. Et je sais pas, je suis allé sur Fantasia. Tu dis Mankiewicz, toi, pas Mankiewicz. Mankiewicz ou Mankiewicz. Oh, il y a deux écoles. Hein. Je suis pas polac. Hein. D'accord. Et Steven Spielberg, okay, a acheté aux enchères. Les Oscars qu'elle a gagnés, Bette Davis. Ah d'accord. Pour Dangerous et Jezebel en 39. Et il n'a pas acheté la collection complète de Kim Carnes avec. Moi j'ai envie de plonger dans les yeux de Bette Davis. Allez, on écoute Kim Carnes. Bon, donc on a énormément de mails, hein, beaucoup de mails qui s'insurgent contre ce que j'ai dit. Oui, j'ai fait une erreur. Rob Reiner, Stand By Me. Voilà, j'ai appris une nouvelle de Stephen King. Voilà, ouais. C'est parce que j'ai dit River Phoenix, ses deux plus grands rôles, c'était à bout de course. Et voilà, et My Own Private Video. Et il y a évidemment Stand By Me. Pardon à Thierry Cliffa qui écoute la radio et qui nous a dit, mais vous êtes. Et qui s'insurge. Et qui s'insurge. Et il a raison. Oui, il a raison. Et John Cusack. John Cusack, exact. On ne connaissait pas à l'époque John Cusack. John Cusack, il avait un peu... Que tu as rencontré. Tu le connais aujourd'hui, John Cusack. Ouais, bah, tu le connais ça, personnellement. Hein, voilà, John Cusack, c'est John Cusack. Hein, je l'ai rencontré, ça s'est très très mal passé. Hein. Thierry, tu as dû sûrement faire des interviews qui sont mal passées. Moi, je suis parti à Londres pour rien avec un monsieur pas très sympathique, John Cusack. Ok, man. Ouais, bah, ouais, replonge-nous, bon, monsieur Bette Davis. Et puis après, bah, y a une petite chanson très lente, hein, une espèce de petit truc, une petite nappe un peu glauque, c'est vrai. Mais j'ai quand même envie de la dédicacer à Thierry, hein, qui nous écoute, hein, il nous a envoyé un mail. Mm-hmm. Voilà, je raconterai après ce que c'est après. On écoute juste après ta petite dédicace à Thierry Cliff, hein, qui nous écoute, qui était là hier soir pour son émission. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les émissions sur lesondelaradio.blogspot.com. Tout ça, tout attaché, et vous pouvez retrouver toutes les émissions que vous n'avez pas écoutées, voilà, quand vous voulez, les télécharger sur votre iPod et les écouter dans le métro, dans le train, où vous voulez, quoi. All Along the Watchtower, issu une BO issue du prochain film de notre ami Todd Haynes. Encore ? I'm Not There, Man. Ouais. Par Eddie Vedder. Said the Joker to the thief. There is Bon, après, je vous emmène. Alors, attends, ça c'était pour le film de Todd Haynes. Tu rappelles le titre ? I'm Not There, ça sort très bientôt. C'est une espèce I'm de biopic there, mais un peu éclaté de, sur Bob Dylan. Excuse-moi de te couper, tu nous énerves à parler trop. Ça s'appelle comment en français le titre ? Thomas. Ah, il veut plus parler. Le matou fait du boudin. En français, il n'a pas de titre. Le film s'appelle I'm Not There. Ah, d'accord, excuse-moi. Hein. C'est ton émission, I'm Not There. Donc, ok, un film de Todd Haynes qui va sortir très bientôt sur les écrans français. Ouais, et là, c'est Eddie Vedder, le mec de Pearl Jam, qui fait cette reprise de All Along the Watchtower. Et après, je vous emmène voir le plus beau plan séquence de l'histoire du cinéma. Thierry, tu nous écoutes, tu sais très bien que c'est celui de La Soif du Mal, hein, par Orson Welles, et que le thème c'est de Henry Mancini, Touch of Evil, tout à l'heure, mais dans quoi ? Dans deux minutes, le temps qu'Eddie Vedder finisse sa reprise de Dylan. Tu aimes beaucoup Eddie Vedder finalement ? J'adore. Ouais. Excuse-moi, est-ce qu'on a le droit d'être agacé par ce solo insupportable à quoi bien sûr, mais en même temps, c'est Eddie Vedder. Hein. Tu aimes Eddie Vedder, donc. Je découvre un peu en live et tout. Rassure-toi, Thierry, c'est pas ce morceau que je voulais te dédicacer. C'était une autre reprise de Dylan. Je te l'écouterai après, de Anthony and the Johnsons. Mais pour l'instant, bah voilà. Je t'avais promis le. Je vous avais promis plutôt. On va écouter. Il y a des demandes. Il y a beaucoup de demandes pour Joe Satriani. Et Gary Moore. Il y a. Excusez-moi, j'ai juste envie de dire qu'il y a un peu. Le bras droit, enfin en tout cas la jambe gauche de ma radio qui vient d'arriver, ça s'appelle Yogi, qui va venir nous délecter d'une sélection musicale. Rassure-moi une chose. Oui. Aucun rapport avec Yogi Mamamoto. Yogi Mamamoto, non. Mais Yogi a fait son yoga aujourd'hui. Il a fait son yoga. D'accord. On écoute la fin de ça ou pas ? Non, on n'écoute pas la fin, d'accord. Voilà, le plus beau plan séquence de l'histoire du cinéma a été réalisé par Orson Welles. Ouais. Hein, Orson Welles. Hein. Orson Welles. Absolument. Orson. Alors que beaucoup de gens pensent que c'est Orson. Hein. Et en fait, c'est Henry Mancini. Parce qu'il s'appelait James à la base. James Welles. Il s'appelait Jean Welles. Jean Welles. Jean Bien. Et après, il est parti aux États-Unis. Et il s'est dit, tiens, je vais m'appeler Orson Welles. Pourquoi Orson ? Ah non, mais. Parce que toujours deux fois. En fait, il était très très fan de Winnie l'ourson. Ouais, Orson, toujours deux fois. Orson, pas mal. Bon, on vous avait promis plus haut pour séquence de l'histoire du cinéma. On vous a demandé de la vanne et ben on fait de la vanne un peu pourri. Henry Mancini, main title of Touch of Evil. Voilà, allez, chier, merde. Il faut s'imaginer la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Mexico. México. México. Tijuana Mutz, México. Henry Mancini. Et les castagnettes. Et Rico. Il faut s'imaginer le noir et blanc, là, le format 4-3, hein, 4 tiers. Mm-hmm. 4-3, non, 4-3. 33. Il faut s'imaginer Charlton-Heston. Charlton-Heston avec Orson. Orson Welles, ouais. La touche du diable. La touche du diable. Et là, tu vas nous gratifier d'un titre magnifique qui est tout droit sorti de la BO de Rasta Rocket, hein, si je m'abuse. 3, 4. I can't see clearly now, the rain is gone. The raining stone. The rain is gone. Ah, moi, je crois que c'était the raining stone. Ouais, bah non, the rain is gone. La pluie est partie. Et est-ce qu'elle peut revenir? Parce que de Raining Stone, la pluie et pierre, ça ne veut rien dire. Hein. Est-ce que la lune peut être bleue? Ouais, the moon can be blue. Blue moon? Blue moon, yeah. Elvis, motherfucking Presley from of Memphis. Of course, Memphis. Petit hommage à Jarmusch, Mystery Train. Il y avait cette reprise. Donc c'est pas Rasta Rocket. Hein. Je suis très très triste. Aucun rapport avec Rasta Rocket. Putain, je suis triste. Mystery Train ressemble à Rasta Rocket. C'est, d'ailleurs, c'est le remake hein, de Rasta Rocket. Absolument. Rasta Rocket est le remake de Blue Mystery Moon. Train. Mais, enfin, bon, voilà. Blue Moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. Il pleure là, Elvis, hein, quand il chante ça. Là, il sue là, il pleure. Et après, je ferai pas de transition après. Après, je vais faire un truc qui balance, un truc qui tabasse. Vous montez le son à fond, vous transpirez, vous bougez votre popotin, c'est tout ce que je demande. Popotin, P-O-P-O-T-I-N. Merci. Vers popoter. Merci d'ailleurs hier soir de m'avoir dit comment dithyrambique s'écrivait. Hein, d'ailleurs. Tu me demandes un truc, j'arrive, c'est tout. Où est passé le bassiste de Guns N' Roses? Je vous rappelle, c'est le fil rouge hein, de ce soir. Oui. Édouard Montout, tu nous écoutes. Des pins parlants à ton effigie sont à gagner ce soir. Et Édouard Montout est pressenti pour incarner Napoléon à l'écran. Hein. Jarmusch et normalement c'est Tom Waits hein, qui fait le mec le DJ of the Radio of Memphis dans le film de Jim Jarmusch. Et Tom Waits, c'est Tom Atton en fait. Hein. Voilà Tom Atton. Tom Atton. Rise. Comment s'appelle Dave LaChapelle, le photographe américain. Dave LaChapelle, David LaChapelle. Yeah. Comment on a appelé ce style là le crump. Yes. Rise. Son film était pas mal. Il est magnifique. Ouais, j'adore super. Son documentaire sur le crump justement. Bah, je sais pas. Il faut aimer le violet. Hein. Il faut aimer le violet. Ouais. Et il faut aimer le violet, il faut aimer le kitsch et surtout il faut aimer le son. Augmenter et danser. Thought he would survive, but they let you know he died. Now eternally you crying, side caskets don't drop. How you feel about the police drawing down on you with that 4-pound thunder? Was I about 13? I send a message of a stressing adolescent. Barely made it out the hood on a wing of prayer and a blessing. Sing while the mama's still stuck in the hood. Every time the people see you, they think you doing good. How you feel about a savage with a gangster for a daddy, but a pimp for a brother, still a hustler for a mammy? Y'all can't rhyme without punchlines. Y'all can't shine without two diamonds. Where's your style? Cause I can't find it. Fly on time with the right timing. Rise, come on. That's the hook. My people gon' rise. Come on. That's my hook. My people gon' rise. Come on. Now you're hooked. My people gon' rise. People gon' rise. Tell me what you're think about Section 8 housing. Government cheese, alleyways of violence. You ever been so deep in poverty's dirt, the grid on your navigation won't work. And what you know about rapping just to remain sane, to keep from selling coca, killing you, man. I send a message of a stressing adolescent, barely made it out the hood on the wing of prayer and a blessing. Yes, won't you tell me about staying with your sister, cause your mama can't afford you, so you can't make it to school. And how you feel about a beating for your ass, getting jumped in a gang at the PE class, fool. Y'all can't rhyme without punchlines, and y'all can't shine without them diamonds. Where's your style, cause I can't find it. Fly on time with the right timing. Come on, that's the hook, my people gon' ride. Where you from? Some of me murder mom. Where you from? Saddam ain't got nothing on. Chevron plants the bomb, watch them spill it on. They don't care about y'all cause they killing them. So what you know about the struggle in the street? In America it's the floss, but in Africa it's the eat. Yeah, boy was born to deceased grandparents. Issues burn muscle tissue, pride transparent. I send a message of a stressing adolescent, barely made it out the hood on the wing of praying a blessing. Yeah, but what you know about rhyming with no rehearsing? Paint a portrait of my life, refer to the third person. Y'all can't rhyme without punchlines, and y'all can't shine without them diamonds. Where's your style? Cause I can't find it. Fly on time with the right timing. Come on, that's the hook. My people gon' ride. Come on, that's my hook. My people gon' ride. Come on, now you're hooked. My people gon' ride. People gon' ride. Ride. Come on, that's the hook. My people gon' ride. Come on, that's my hook. My people gon' ride. Come on, now you're hooked. Rise, Dave Chappelle, Dave LaChapelle. David LaChapelle, photographe hein, très connu des années 90-2000. Est-ce que justement des années 90, tu t'es baladé dans une voiture morte? Bah, dead car. Attends, j'essaie de voir où elle est, ta transition là, mais j'y arrive pas, je vois pas. Je sais pas, une voiture morte, tout ça, l'Arizona, Christine, les rêves, Christine. Le Johnny Depp, Amy Costa Rica. Ah oui, oui, Dead Man. In the Death Car. Dead Man, toi. Dead Man. Arizona Dream. Ah, Arizona Dream, pardon. Ouais, Johnny Depp et ouais, dans Dead Man, c'est pardon, de Jim Jarmusch. Ouais, pardon. Excuse-moi, je confonds tout. Hein, tout se mélange. Il n'y a aucun problème. Je voyage trop ce soir. Arizona Dream et du Yougoslave Emir Kusturica. Yes. Est-ce qu'on est d'accord que la fanfare, mm-hmm. les vieux édentés, tout ça, ça suffit? Ça suffit, stop. Bon. Et tu vas pas nous mettre une chanson d'Iggy Pop, là? Si, tout de suite. In the Death Car. Ah, bah, d'accord. Une autre chanson qui me rend glauque, hein. J'adore cette chanson. Moi, elle me rend glauque à mort. Mais c'est bien la glauquitude. Non, non, mais alors, voilà. Alors, rendons à César ce qui appartient à César. En d'accord. ce qui me concerne, ouais. Iggy Pop est un de mes plus grands interprètes. Pour moi, je trouve que c'est une, voilà, un monstre. Je suis pas d'accord, mais d'accord. Vas-y. Non, mais pour moi, c'est un monstre. D'accord. Cette chanson-là, c'est la seule erreur pour moi de son répertoire. Voilà. Je dis ce que je pense. T'es pas d'accord? Absolument pas du tout. Voilà. J'adore cette chanson. J'adore comment il pose dessus, j'adore l'ambiance. In the night, one dog is growling in the dark. Something's pulling me outside to ride around in circles. I know you have got the time, cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car. Ouais, on est d'accord que les chœurs foutent tout un peu en l'air. Ouais, c'est ça. Je crois mais que c'est la façon ça qui plombe. La façon dont pose Iggy Pop est magnifique là-dessus. Non, mais sa voix, elle est impeccable, tout ça, tout ce que tu veux, mais c'est vraiment les chœurs, je pense que... Et c'est même ce corps, enfin, c'est la trompette qui est derrière, la façon dont c'est joué la trompette, tout ça. Moi, ça me plombe un peu, mais bon, voilà, c'est un avis personnel. Et c'est Jerry Lewis, vendeur de Cadillac dans ce film. Non, non, magnifique. Mais c'est, ce qui est bien dans cette musique, c'est que ça restitue très, très bien l'ambiance du film. Ça, il n'y a pas de doute. Ouais, puis le regard d'un étranger sur Hollywood et sur l'Amérique. Ouais, avec tous ces clichés, à la fois Hitchcock dans Un bout de souffle, je sais pas si tu veux, pas Un bout de souffle, La mort aux trousses, pardon. Tu vois, où on voit le qui mime. Je vois très bien ce que tu veux dire. On écoute, on continue avec Iggy. Death car, we're alive. In the death car. you, I felt that you still had your baby fat, and a little taste of baby's breath makes me forget about death. At your age, you're still joking. It ain't time yet for the choking. So now we can own the movie and know each other truly. Un petit titre, je sais pas si je vais faire l'unanimité avec ça dans le, sur le plateau là, hein, dans la petite cabine là, avec Jojo et Ryan, mais j'ai envie de la passer parce que moi j'adore ce titre, c'est de Christophe. Bah, moi j'adore Christophe, donc tu vas adorer. Je sais pas si tu la connais, ça s'appelle Voir, puisqu'on parle de cinéma. On parle de Christophe Willem, hein, on est d'accord. Ah, je voulais fredonner Christophe Willem, merde, je sais plus comment il fait. Quand je serai grand, je serai Brigitte. Tu fredonnes bien. Je fais bien. Hein. Ouais, mais tu fais pas que fredonner d'ailleurs, hein, c'est carrément tu chantes. Je suis Christophe Willem. Ouais, tu es. Tu incarnes. Et j'incarne comme Kim Carnes. Hein. J'allais la faire, mais je pensais que t'allais la faire, donc je me suis. On se souvient de Steven Seagal, la maman de Steven Seagal, lisant à son fils petit La cigale et la fourmi, de Jean de La Fontaine. Steve N. Seagal. And the Fourmis. And the Fourmis, yes. Est-ce que je peux faire un truc un peu trash, genre je coupe de manière brutale? Oui, on coupe. Non, mais on va pas couper de manière brutale, on va faire un petit. Je vais vous laisser écouter ce morceau de Christophe que peu de monde connaît. Il est question d'Isabella Rossellini et surtout des yeux d'Isabella. Et surtout des yeux d'Isabella Rossellini. Ce titre est absolument magnifique. Je veux que tous ceux et toutes celles qui écoutent la radio maintenant augmentent le son et se concentrent sur cette chanson qui est absolument fantastique. Voilà. Double clic. Allez, je double clic. Voir Christophe. Voir sans se voir et se reconnaître. Sans se voir dans un défilé où Peter Lindbergh se tient presque à l'écart. Elle passe en vedette incognito dans ma tête, m'invite à la suivre. De face, de profil, elle attire tous les regards. Le monde a les yeux d'Isabella Rossellini. La parfaite inconnue, prête à devenir célèbre. Thank you. parle de Christophe Willem, hein. On part du vrai Christophe. Putain. Ah pardon, merde. Je croyais qu'il avait... Et c'est quoi son nom de famille, Christophe? Ah non, Christophe. C'est comme Miu Miu. C'est Miu Miu. Miu Miu, Christophe. Voilà, Christophe. On va faire encore un truc, un saut brutal. D'accord. Moi j'aime bien ça passer. Ouais, d'un truc du à l'autre. Coq à l'âne. On est passé de la cigale à la fourmi. Du coq à light aussi. Du coq à light. Voilà. Tu assumes ça ou pas, Jojo? Ouais, mais moi j'assume mon côté ruquier ce soir. Hein. On est allé dans les yeux de Bette Davis et maintenant on est dans les yeux d'Isabella Rossellini. Mm-hmm. Moi j'aime bien. J'ai eu peur, hein. Je croyais que t'allais me parler d'Isabella Gianni. Voilà. Est-ce que t'as envie de, je sais pas, de plonger dans le Londres des années fin des années 70, début des années 80? Plonger dans une piscine avec mon pull bleu marine. D'accord. Tu sais qui est-ce qui a réalisé le clip de ça? Non, qui? Luc Besson. Ah bah oui, forcément. Ça l'a inspiré le Grand Bleu d'ailleurs. Et qui a écrit le texte? Gainsbourg. Serge. Serge. Le grand Serge. Bien sûr. Le beau Serge. Le beau Serge. Parce qu'on parle cinéma. Oui. Écoute la voix d'Isabella Rossini. Elle est agacée par le téléphone. Ça interrompt ce qu'on fait, non, parce que il y a un téléphone, oui. Mais je peux pas du sang, parce que quand je voyage, c'est mon seul lien avec ma famille, avec mes amis. En même temps, je me torture. Maintenant, Pogo. Pogo. On est dans une petite cabine, là. Et on écoute Joe Strummer. Les Clash, bien sûr. Le futur n'est pas écrit. Hein. No future, j'ai envie de dire. Everybody does just what you're told to. Nobody wants good again. On avait vu ce film ensemble. Ah bah attends, moi quand j'ai vu ce film. Donc The Future is Unwritten, un film. Voilà, en hommage le documentaire, à le documentaire sur Joe Strummer. Les gens qui ne l'ont pas vu, allez le voir s'il existe encore, s'il est encore diffusé en salle, je sais pas. Mais c'est un film qui donne envie de créer. C'est ce qu'on s'est dit en sortant de ce film-là. Ouais. On était sur le scooter, on s'est dit putain, mais qu'est-ce que ça, ce truc-là donne envie de créer. Parce qu'il y a une telle énergie de Joe Strummer et des Clash aussi, mais surtout de Joe Strummer. Qui donne vraiment envie de créer. Ouais, puis il insuffle une vraie énergie. Vraiment, vraiment. Et c'était ça la base du punk. Hein. C'est la base du punk, c'est uniquement l'énergie. Et tu sais que c'est en écoutant Joe Strummer que le bassiste de Guns N' Roses a eu envie de devenir le bassiste de Guns N' Roses. Ah d'accord. Bah, donc, parce que le bassiste des Clash et Paul Simonon. Hein, ouais, les flingues et les roses, moi j'ai envie de dire. Les flingues et les roses. Et on n'oublie pas Edouard Montout, qui est le fils caché du bassiste des Guns N' Roses. Hein. Je vous rappelle, n'hésitez pas à envoyer vos messages. Les meilleurs messages seront diffusés à l'antenne et vous gagnerez des pins. Des pins. Parlant. Parlant, oui. Je dis bien à parlant. À l'effigie de Edouard Montout. Magic Montout. Bien sûr. Moi, j'ai envie de faire une dédicace à Yogi. Ah, une dédicace à Yogi, allez. Pourquoi j'ai envie de faire une dédicace à Yogi? Déjà parce que je l'aime bien. Oui. Et parce qu'il est en train de lire Playboy. Parce qu'il est en train de lire Playboy. Parce qu'il a bon goût. Oui. Parce qu'il aime le rap. Hip-hop, Momo. Peut-être le rap français. Peut-être. Non, parce il n'aime pas trop. Il vient de hocher de la tête. Ouais, mais quand il était jeune et qu'il écoutait ce morceau, il aimait bien le rap français. Ah, Assassin. Qu'il aime ou pas, je lui dédicace. Quel film? La haine. La haine. Le rythme sous sa route, plus de doute, de pensée, assassin fait partie des gens qu'on écoute. rap pour les barfous, pas pour les bouffons. Ouais, juste après un petit freestyle des Twins Borez. 80% des prisonniers sont ouvriers, chômeurs ou sans logis. Ils sont incarcérés. Le underground s'exprime. Un exemple mal écoute, c'est King. Jojo, raconte-moi quand t'as découvert la haine, quel effet t'as eu? Moi sans déconner. Tu ressemblais à quoi quand t'écoutes? Moi j'avais les cheveux longs. Ouais. J'avais les cheveux longs, je ressemblais à une gonzesse. Ouais. Je me faisais taper dans le métro. Je me faisais voler mes bombers. Parce que j'avais un bombers à l'époque. Et tu dansais au studio A ou au central? Je dansais au studio A, exactement. Bon, j'étais un vrai minet de base. Voilà. Et donc ça te parlait pas là en fait quand tu la haine? Si, si, beaucoup. Ça m'a beaucoup parlé. Ça a réveillé en moi mon côté punk que j'avais latent en moi. J'ai beaucoup tu veux aimé. Dire que sous ce corps de femme à cette époque-là, il y avait un cœur de punk qui battait? Exactement, parce que j'ai eu une opération. Donc pour tous ceux qui me connaissaient à l'époque, j'ai changé de sexe. Oui. Mais juste pour ça. Avant Joachim, c'était Joséphine, excuse-moi. Pardon. Joséphine, c'était moi avant. Maintenant, je suis Joachim. Juste pour ça, j'aimerais que vous me dédicaciez une chanson, Les Borez, parce que à tous les auditeurs fameux et qui écouteraient souvent cette émission. Et fameuse. Vous avez une chanson que vous faites assez régulièrement, que j'aime beaucoup, que vous avez fait deux fois à l'antenne. Tu veux dire une chanson phare? Ouais, c'est un peu laisser rentrer en vous les Ragasonic, les Big Red et les Sai-Sai. Donc n'hésitez pas, envoyez un flow, le flow des Borez tout de suite sur ma radio. All right, man. Guillaume Guy, est-ce que t'es prêt? Je me suis retrouvé dans un aéroport, je ne savais pas comment, oui j'avais perdu le nord. Quand tout à coup d'El Poubadan, il vit un écrito qui me disait bienvenue à Rio. Je dois vous avouer qu'à ce moment-là, j'étais surpris. Je ne savais pas comment j'allais rentrer à Paris. Évidemment sur moi, je n'avais pas d'argent, j'étais donc condamné à faire le mendiant. Mais faire ça dans ma tête était impossible. Avec mon caractère, ce n'était pas compatible. Quand tout à coup, derrière moi, je vis un rastar. Et tout à coup, une idée, j'ai un marre. Je lui dis, hey mec, t'aurais pas de la sensei? Il m'a dit, désolé, je vends que du café. Je lui ai dit, good, bye bye bye. Bidi bidi, dit good, bye bye bye. Good, bye bye bye bye. Good, bye bye bye. Bidi bidi, dit good, bye bye bye. Good, bye bye bye bye. El gringo, c'est sur ma rêve. Spéciale dédicace à Jojo. C'était les Borez. C'était les Borez en direct live avec un freestyle. Et Ragasonic, sortait de ce corps. Est-ce qu'on a envie d'écouter le plus grand flow du rap? Allez. L'homme à la méthode, le Method Man. Fast Shadow. On l'a écouté en début d'émission, mais j'ai envie de la réécouter parce qu'elle est trop bonne. Je veux l'écouter maintenant. Allez, on la renvoie. Allez, on cut. Dans quel film? On cut Rockin' Squat, on parle de Ghost Dog. Ghost Dog. Encore Jim Jarmusch qui était très présent ce soir. On renvoie le son de l'homme qui a la méthode. L'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. Qui a vu la méthode. Qui a vu Jim Jarmusch. Isaac de Mancollet. La Shadow, Fast Shadow. Alors, on m'a dit qu'il n'était pas du tout français. J'ai reçu des mails en me disant non, il est ivoirien, nanana, nanana. Isaac de Bancollet n'est pas français, il est ivoirien. Il est citoyen du monde, et ça, c'est important. Il est tchadien, nous sommes tous tchadiens ce soir. Absolument, il nous faut pas tous partie de l'association. L'Arche de Zoé. Non, pardon. Pas moi. Que notre ministre a appelé l'Arche des Zozos. Spéciale dédicace de Bernard Kouchner. Qui nous écoute là avec Christine O'Crane. Bien sûr, complètement absent de cette histoire. On ne l'a pas vu une seule fois dans cette histoire de l'Arche de Zoé. Fermez les yeux, imagine. Pardon. Bernard Kouchner en train de prendre le vrai de Christine O'Crane. Et là, un mythe s'effondre. Allez, baisse-moi gentiment là, le Rockin' Squat. Voilà. Et on envoie l'homme qui a la méthode, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours, qui a vu Christine O'Crane et Bernard Kouchner à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Can I hear it? Nigga, and bang your head, punk. Ha. And it don't stop. It all starts with the pad and pen. Shall we begin to burn bush in this rap session? Once again on the run, be the black stallion. Now you fucking with the galleon. Iron lung, boy, me can't done. Army of one, blaze your bun. I'ma get you none except challenge. Ha, run a mile with a racist. They iced it, I aced it, placed it right up in their face till they faced it. Hard to the dome like a chrome microphone. I'm bad to the bone, danger zone. That's my life and my song. Keep it moving. Hop along, little dog is. Oh, fuck now! Driving Mac Cadillac, dark shaded window, all shiny black. Fake antenna back of the car, side is on TV, even the bar. Bulletproof down, safe and sound. Topper in the front just to drive the Lexus all around. Give your body a ride, nice and warm aside. Come to the dirt dog, it's a cummy ride. 36 chamber, 36 chamber, alright? Nah. Et là, on va transpirer là maintenant avec le prince. Purple Rain, baby. Alors, il y a énormément de monde là hein, ce soir. Hein. On a beaucoup, beaucoup de monde qui est là. Et là, on écoute Prince Roger. Purple rain, purple rain. Ah, ouais, bébé. On va dire au revoir maintenant. Bah écoute, c'est un peu ton dernier titre avant de laisser place à Yogi. C'est le quart d'heure américain. C'est le quart d'heure américain. Et pourquoi tu nous as mis ça pour clore l'émission ? Bah parce que Purple Rain, c'est une chanson de Prince. C'est aussi ouais, le film, le plus grand film à redécouvrir, parce que je pense que les gens ne l'ont pas assez vu. Il faut redécouvrir ce film qui est assez exceptionnel, visuellement en tout cas. Je l'ai revu, c'est kitsch. Oui, non, mais visuellement, je suis pas d'accord, Jojo. Faut aimer la moto, les cheveux longs. Et aimer le cuir. Moi, j'adore. Et aimer le Diapolis. Attends, pardon, Thomas. Est-ce que tu es cuir ce soir ? Je suis plutôt Sky. Ah, tu es plutôt Sky. Donc, merci à Mato de nous avoir accompagnés toute cette soirée. Tu avais encore quelque chose à dire ? Absolument rien. Tu voulais dire j'aime la France, j'aime le monde, j'aime Paris. J'aime le cuir. J'aime le cuir. Et on va laisser la place à. Nanou ? Non. Ah, c'est Nanou pas qui est là. De Nanou maintenant. C'est pas encore l'émission de Nanou, pas encore, pas ce soir. C'est l'émission de Yogi qui va venir passer ses disques dans l'émission Le son du platiniste. Et il va balancer ses disques, il va nous expliquer un peu pourquoi tout ça et toutes ces sélections musicales d'ici 2 minutes. Le temps d'une petite. Bah, de la fin, tout simplement, de Purple Rain. Et Yogi va envoyer son son. Hein. Son. Véronique, son son. Véronique Sanson, que voilà. On écoute. Et je vous retrouve bien sûr lundi pour la nouvelle émission de Yogi, de Guillaume. Je me trompe dans les noms. De Guillaume qui va venir faire tout simplement sampler, qui a déjà préparé sa sélection pour lundi soir. Je vous embrasse et je vous retrouve tout de suite dans 2 minutes avec Guillaume à la tête du son du platiniste. Merci Thomas Mato, pardon, de nous avoir. Welcome, man. Et à jeudi. À jeudi prochain. Je suis encore invité jeudi. Bien sûr, t'es toujours là. T'es un habitué, tu resteras habitué. Tu es un chroniqueur officiel. Très bien. Tu as vu hein, dans Facebook, hein, je suis speakerine, hein, moi seulement. Hein. Toi, comment t'as qualifié mon émission de culte ? Culte. Émission culte. Cultissime. Ouais. L'émission cultissime. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les émissions quand vous le voulez. Vous pouvez les télécharger, etc. sur lesondelaradio.blogspot.com. Voilà, vous pouvez retrouver tout ça et, nos, et aussi myspace.com/leçon de la radio. Voilà. Et la faute ce soir, c'est qu'on a retrouvé donc le bassiste de Guns N' Roses, qui est à Melun. Qui est à Melun, qui habite avec Édouard Montout. Hein. Absolument, qui est gay avec Édouard Montout. Ouais, voilà, qui est en couple avec Édouard Montout. Ouais. Et l'info, c'est que c'est le premier couple paxé du cinéma. Voilà, c'est ça. Enfin, enfin, et on ne savait pas, Édouard Montout est homosexuel. Est-ce qu'on aime Purple Rain de Prince? Moi j'adore, on en j'ai voit. J'ai toujours trouvé un peu ringard, moi, cette chanson. Ah non, moi j'adore. Mais en même temps, elle transpire. Mais en même temps, Prince, il a, ça a été un peu le prince de la ringardise. Mais moi j'aime bien hein, tous ces titres. Hein, c'est ces fait, trucs. Prince est très grand. J'ai rencontré, il est très grand, bien sûr. Par rapport à toi. C'est un peu Kareem Abdul-Jabbar des Los Angeles Lakers. Salut Thomas, à jeudi prochain. Merci, salut, ciao. Ciao.